Chapitre deuxième. Vous vous êtes laissé impressionner par la beauté de la jeune fille, déclara le coroner à Hammersmith quand ils furent seuls. Je ne crois pas. Je serais navré d'être aussi faible. J'accorde simplement plus de confiance à ce récit qu'à celui de Quimby. Mais le récit de Quimby est appuyé par plusieurs témoins. Celui de Mademoiselle Desmarets n'est appuyé par personne. C'est justement ce qui me paraît significatif. Ce Quimby sait faire. Qui sont ses témoins? Sa femme et Jake, son principal serviteur. Pendant la demi-heure qui vient de s'écouler, j'ai cherché quelques témoignages désintéressés appuyant ses assertions. Mais je n'en ai trouvé aucun. Personne ne sait rien. Des trois voyageurs qui occupaient des chambres de l'annexe hier soir, deux dormaient, le troisième était abruti par l'ivresse. Les servantes ne veulent pas parler. Elles paraissent mal à l'aise et j'ai surpris des coups d'œil entre elles pendant que je posais certaines questions. Mais je le répète, elles ne veulent rien dire. Allons donc, quelle serait la raison de ce complot? Regardez l'affaire sous son véritable jour, celui sous lequel elle se présente pour un esprit impartial. Une jeune fille sentimentale devient amoureuse d'un homme qui est à la fois un gentleman et un vaurien. Il est possible qu'elle ait cherché à combattre ses sentiments. Il est possible que non. Votre opinion et la mienne diffèrent sans doute sur ce point. Ce qu'elle n'a sûrement pas fait, c'est de prendre sa mère comme confidente. Elle fait connaissance de l'homme, et poursuivie par lui, ne peut se soustraire à ses assiduités jusqu'au moment où elle perd tout contrôle de soi-même. À un moment donné, elle se ressaisit, ou, ce qui est plus probable, essaye de lutter contre la clairvoyance et l'opposition de la famille de cet homme en organisant des rendez-vous secrets. Elle dit avoir fui pour ne pas le revoir hier soir. Cela n'est pas vrai, au contraire. Elle a dû lui faire savoir où elle allait, et elle a eu une entrevue avec lui dans les bois, juste avant de rencontrer sa mère. Il avoue l'entrevue. Je viens à l'instant de m'entretenir avec lui par téléphone. Vous savez donc son nom? Sans doute. Il a bien fallu qu'elle me le dise. C'est le jeune Maxwell. Je m'en étais douté tout de suite. Maxwell! Les joues de M. Hammersmith devinrent rouges de colère. Vous l'avez appelé vaurien, il y a un instant. La parole d'un vaurien n'a pas grande valeur, non? Mais elle compte comme témoignage s'il est donné sous serment et je crois qu'il jurera que l'entrevue a eu lieu. Bien, bien admettons qu'il y a eu entrevue. Cela change la thèse, M. Hammersmith. Cela change la thèse. Cela rend admissible une certaine théorie à moi qui explique tous les faits. Vraiment? Oui, vraiment. Je ne considère pas cette jeune fille comme responsable. Je ne crois pas qu'elle ait frappé sa mère ou qu'elle ait, de propos délibérés, imaginé un tissu de mensonges pour cacher quelques crimes affreux. Je la considère comme étant la victime d'une hallucination, résultat d'un grand choc. Or, quel a été ce choc? Je vais vous le dire. Voici comment je vois la chose. Comment Quimby la voit, ainsi que tous ceux qui dans la maison ont exprimé opinion. Elle était en grande conversation avec son amoureux dans les bois, auprès d'ici, quand sa mère est apparue. Surprise, car elle ne s'attendait évidemment pas à voir Madame Desmarets arriver si tôt. Elle expédia son soupirant et se hâta à la rencontre de celle qui approchait. Mais il était trop tard, la mère avait vu l'homme. Dans l'excitation résultant de sa découverte et de l'altercation qui s'ensuivit certainement, elle fit un mouvement si brusque que son pied s'accrocha à la souche d'un arbre et qu'elle tomba de tout son long avec une telle violence qu'elle se tua sur le coup. Maintenant, M. Hammersmith, veuillez un instant considérer la situation. Si, comme l'enquête me le fait croire à cette heure, Mademoiselle Desmarets a trouvé une irréductible opposition à ses désirs chez cette mère droite et pleine de sollicitude, la vue de cette dernière, étendue morte à ses pieds, tout obstacle entre elle et ses projets écartés en un instant, mais écartés d'une façon qui devra la hanter jusqu'à son dernier jour, ont été suffisants pour troubler un cerveau déjà échauffé par tant d'émotions contraires. L'imagination a pris la place des faits, et avant qu'elle n'ait atteint cette maison, sa folie avait déjà revêtu une forme si concrète qu'on ne peut plus accorder de créance aux paroles qu'elle prononce. Voilà comment je juge la question, M. Hammersmith, et c'est sur cette base que j'agirai. Hammersmith fit un effort et s'inclinant légèrement, dit d'un air contraint « Peut-être avez-vous raison. Je n'ai aucun désir de vous imposer mes propres idées. Elles sont bien trop vagues à l'heure actuelle. Je veux seulement vous faire observer que ce n'est pas la première fois que l'attention de la police a été attirée sur cette auberge par quelque événement mystérieux. Vous rappelez-vous l'affaire Stevens? Il s'agissait de 7 000 $ en billets de banque volés à un voyageur pendant la journée ou la nuit qu'il passa ici. » L'affaire Stevens, oui, je m'en souviens. Mais on manquait de preuves. le plaignant était resté toute la journée à la foire, à Chester, et ne pouvait jurer avoir encore ses billets après son départ du champ de foire. Je sais, mais il a toujours considéré Kimby comme étant le coupable. Puis il y a eu l'aventure de Madame Thistlethwaite. Je ne me le rappelle pas. Il n'en a pas été question dans les journaux, mais on en parla beaucoup dans le pays. Il s'agissait d'une personne originale, assez excentrique, mais en somme saine d'esprit, très lucide, quand ses intérêts étaient en jeu. Elle avait eu la fantaisie de passer un été ici, dans cette auberge. Elle avait pris une chambre dans la partie qui avait vue sur les bois et s'était réjouie de son choix jusqu'au moment où ses bijoux commencèrent à disparaître. Des bagues, des épingles, des bracelets et enfin un collier de très grande valeur. Madame Thistlethwaite ne s'était pas plainte à la suite des premiers vols, elle-même étant quelque peu à blâmer pour avoir laissé traîner les bijoux dans sa chambre, souvent sans même fermer la porte à clé. Mais quand le collier eut été volé, l'affaire devint sérieuse et Madame Thistlethwaite appela l'attention de M. Kimby sur ses disparitions. Il lui conseillait de fermer sa porte à clé, ce qu'elle fit avec soin dorénavant, mais sans en obtenir le résultat attendu. Divers objets disparurent encore, notamment des bijoux dont elle avait un ridicule amas. Plusieurs domestiques furent envoyés et même, finalement, on pria un des pensionnaires de s'en aller. Mais les vols ne s'arrêtèrent pas. Jusqu'au jour, la patience de Madame Thistlethwaite étant épuisée, elle prévint la police et où un détective fut envoyé. J'ai toujours regretté de ne pas avoir été ce détective. L'affaire se termina comme une farce. Un nouvel objet disparut pendant que le détective était ici, et comme il lui fut indubitablement prouvé que le voleur n'avait pu pénétrer par la porte, il dirigea ses investigations vers la fenêtre, un des caprices de la dame étant de la laisser toujours grande ouverte. Le résultat fut bizarre. De la cachette qu'il s'était ménagée dans les buissons, le détective vit un jour un oiseau s'échapper par la fenêtre. Il suivit la bête jusqu'à ce qu'elle eût regagné son nid, grimpa sur l'arbre et fouilla le nid. Il était rempli de bijoux. L'oiseau était une pie qui avait obéi à ses instincts de rapine, mais le collier n'était pas dans le nid, pas plus qu'un ou deux autres objets de réelle valeur. Ils ne furent jamais retrouvés. Les objets manquants étaient tous lourds et l'oiseau pouvait les avoir laissés tomber dans son vol. Mais j'ai toujours pensé que la pie avait un complice, un individu rusé qui connaissait la valeur des choses. Le coroner sourit. Il y avait peu de conviction et beaucoup de sarcasme dans ce sourire. Hammersmith se retira. « Avez-vous des instructions à me donner ? » dit-il. « Oui, il vaut mieux que vous restiez ici. Je viendrai demain matin avec mon jury. Il ne faudra pas longtemps maintenant pour tirer cette affaire au clair. »« Oui, je passerai ici cette nuit. Il me faudra une chambre et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je prendrai le numéro 3. » C'était ainsi que, le coroner parti, Hammersmith s'adressait à l'aubergiste. « Je regrette beaucoup, » répondit ce dernier, « mais le numéro 3 est impropre à l'usage, comme vous avez pu le constater. « Oh, je ne suis pas difficile. Mettez-y une table et de la lumière et je m'en arrangerai. « Oui, le numéro 3 me conviendra parfaitement. » L'hôtelier s'agita, jeta un rapide regard scrutateur sur le visage calme de M. Hammersmith et riposta avec un rire bref, « Comme vous voudrez. « Je ne peux rendre confortable cette chambre en si peu de temps, mais c'est votre affaire. » « J'ai plusieurs autres chambres de libre. Celle-là me plaît, » fut l'unique réponse qu'il reçut. M. Kimby donna aussitôt ses ordres qui furent écoutés par Jake avec surprise. Un quart d'heure après, Hammersmith se préparait à prendre ses quartiers dans la chambre numéro 3. Mais avant de le faire, il alla droit à la salle où il avait vu en dernier lieu Mademoiselle Desmarais et après avoir frappé, demanda la permission d'échanger quelques mots avec elle. « Mademoiselle Desmarais n'est pas ici. » déclara l'hôtelière d'un ton avenant et doucereux. Elle était sur le point de se trouver mal quand vous avez quitté la pièce avec ces messieurs, et je l'ai conduite en haut afin qu'elle puisse se reposer. Où cela ? Dans une jolie chambre sur le devant. Nous ne regardons pas l'argent dans un cas comme celui-ci. Voulez-vous m'en donner le numéro ? L'air mielleux de Madame Kimby se changea en indignation. Vous m'en demandez beaucoup, me semble-t-il. Je doute que cette demoiselle... Le numéro, s'il vous plaît. Interrompit Hammersmith avec calme. « 32, » jeta-t-elle avec aigreur. « Mademoiselle Desmarais recevra tous les soins possibles, » souhaita-t-elle d'ajouter. « Je n'en doute pas. Je n'ai pas l'intention de me coucher cette nuit. Si la jeune fille allait plus mal, vous voudrez bien me le faire savoir. Vous me trouverez au numéro 3. » Il s'était retourné pour faire cette réponse et regardait fixement l'hôtelière tandis qu'il prononçait le numéro. L'immuable sourire de Madame Kimby n'en fut pas troublé, mais ce sourire sembla perdre toute signification et elle oublia d'abaisser la main avec laquelle elle esquissait un geste. « Numéro 3, n'oubliez pas, madame. » Jake et une femme de chambre, à moitié endormie, se trouvaient à l'étage supérieur au moment où il arrivait. Il n'accorda aucune attention à Jake, mais regarda la fille avec curiosité. C'était une nouvelle venue dans l'auberge, car elle ne faisait partie du personnel que depuis 3 semaines. Il avait eu une conversation de quelques minutes avec elle pendant la demi-heure d'enquête secrète à laquelle il s'était livré précédemment. Il se souvenait de ses réponses prudentes. Il n'avait rien pu en tirer alors, mais avait gardé l'impression qu'en elle se trouvait la seule source d'information de toute la maison. En ce moment, elle semblait morne et suivait Jake comme un automate. Hammersmith décida de lui parler de nouveau dès qu'il serait seul avec elle. « Où est le numéro 32 » demanda-t-il. « Je croyais que vous deviez avoir la chambre numéro 3 », dit brusquement Jake. « En effet, mais où est le 32 ?»« Par ici, » dit la femme de chambre. « Il y a une dame en ce moment, celle... « Hulda !» interrompit Jake. « Vous pouvez vous retirer. Je conduirai ce monsieur à sa chambre. » Hulda baissa la tête et s'apprêta à s'éloigner, mais pas assez vite pour que Hammersmith n'ait pu rencontrer son regard. « 32 » prononça-t-il du bout des lèvres en lui montrant un bout de papier dissimulé dans sa main. Il crut l'avoir acquiescé, mais n'en fut pas sûr. Cependant, il se risqua à déposer le papier sur une petite table devant laquelle il passait, et lorsqu'il se retourna, le papier avait disparu, et Hulda avec lui.